famille, chapitre 1. Comme cela arrive souvent le samedi vers 3 heures, les abords de la porte de Bercy étaient encombrés, et sur le quai, en quatre files, les voitures s'entassaient à la queue leu-leu. À quai chargé de fûts, tombereaux de charbon ou de matériaux, charrettes de foin ou de paille qui tous, sous un clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l'octroi, pressés d'entrer dans Paris à la veille de dimanche. Parmi ces voitures et assez loin de la barrière, on en voyait une d'aspect bizarre avec quelque chose de misérablement comique, sorte de roulotte de forain, mais plus simple encore, formée d'un léger châssis tendu d'une grosse toile, avec un toit en carton bitumé, le tout porté sur 4 roues basses. Autrefois, la toile avait dû être bleue, mais elle était si déteinte, salie, usée, qu'on ne pouvait s'en tenir qu'à des probabilités à cet égard. De même qu'il fallait se contenter d'à peu près, si l'on voulait déchiffrer les inscriptions effacées qui couvraient ces 4 faces. L'une, en caractère grec, ne laissait plus deviner qu'un commencement de mot. Celle au-dessous semblait être de l'allemand, graphie, une autre de l'italien, fia. Enfin, la plus fraîche et française, celle-là, photographie, était évidemment la traduction de toutes les autres, indiquant ainsi, comme une feuille de route, les divers pays par lesquels la pauvre guimbarde avait roulé avant d'entrer en France et d'arriver enfin aux portes de Paris. Était-il possible que l'âne qui y était attelé l'eût amené de si loin jusque-là? Au premier coup d'œil, on pouvait en douter, tant il était maigre, épuisé, vidé. Mais à le regarder de plus près, on voyait que cet épuisement n'était que le résultat des fatigues longuement endurées dans la misère. En réalité, c'était un animal robuste, d'assez grande taille, plus haute que celle de notre âne d'Europe, élancé, au poil gris cendré, avec le ventre clair malgré les poussières des routes qui le salissaient. Des lignes noires, transversales, marquaient ses jambes fines aux pieds rayés, et si fatigué qu'il fût, il n'en tenait pas moins sa tête haute d'un air volontaire, résolu et coquin. Son harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres petites, au hasard des trouvailles, mais qui disparaissaient sous les branches fleuries et les roseaux coupés le long du chemin dont on l'avait couvert pour le défendre du soleil et des mouches. Près de lui, assise sur la bordure du trottoir, se tenait une petite fille de 11 à 12 ans qui le surveillait. Son type était singulier, d'une certaine incohérence, mais sans rien de brutal, dans un très apparent mélange de races. Au contraire de l'inattendu de la chevelure pâle et de la carnation ambrée, le visage prenait une douceur fine qu'accentuait l'œil noir, long, futé et grave. La bouche aussi était sérieuse. Dans l'affaissement du repos, le corps s'était abandonné. Il avait les mêmes grâces que la tête, à la fois délicate et nerveuse. Les épaules étaient souples, d'une ligne menue et fuyante, dans une pauvre veste carrée de couleur indéfinissable, noire autrefois probablement. Les jambes volontaires et fermes, dans une pauvre jupe large en loques. Mais la misère de l'existence n'enlevait cependant rien à la fierté de l'attitude de celle qui la portait. Comme l'âne se trouvait placé derrière une haute et large voiture de foin, sa surveillance en eût été facile si de temps en temps il ne s'était pas amusé à happer une goulée d'herbe qui tirait discrètement, avec précaution, un animal intelligent qui sait très bien qu'il est en faute. « Palicard, veux-tu finir ?» Aussitôt il baissait la tête comme un coupable repentant, mais dès qu'il avait mangé son foin, en clignant de l'œil et en agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement qui disait sa faim. À un certain moment, comme elle venait de le gronder pour la 4e ou 5e fois, une voix sortit de la voiture appelant « Perrine !» Aussitôt sur pied, elle souleva un rideau et entra dans la voiture, où une femme était couchée sur un matelas si mince qu'il semblait collé au plancher. « As-tu besoin de moi, maman ? Que fait donc, Palicard ?» « Il mange le foin de la voiture qui nous précède. Il faut l'en empêcher. Mais il a faim. La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous appartient pas. Que répondrais-tu au charretier de cette voiture s'il se fâchait ? Je vais le tenir de plus près. Est-ce que nous n'entrons pas bientôt dans Paris ? Il faut attendre pour l'octroi. Longtemps encore ? Tu souffres davantage ? « Ne t'inquiète pas, c'est l'étouffement du renfermé, ce n'est rien, » dit-elle d'une voix haletante, sifflée plutôt qu'articulée. C'étaient là les paroles d'une mère qui veut rassurer sa fille. En réalité, elle se trouvait dans un état pitoyable, sans respiration, sans force, sans vie, et bien que n'ayant pas dépassé 26 ou 27 ans, au dernier degré de la cachexie. Avec cela, des restes de beauté admirables, la tête d'un pur ovale, des yeux doux et profonds, ceux mêmes de sa fille, mais avivés par le souffle de la maladie. « Veux-tu que je te donne quelque chose ?» demanda Perrine. « Quoi ? Il y a des boutiques, je peux t'acheter un citron, je reviendrai tout de suite. »« Non, gardons notre argent, nous en avons si peu. Retourne près de Palicard et fais en sorte de l'empêcher de voler ce foin. »« Mais cela n'est pas facile. » »« Enfin, veille sur lui. » Elle revint à la tête de l'âne, et comme un mouvement se produisait, elle le retint de façon qu'il resta assez éloigné de la voiture de foin pour ne pas pouvoir l'atteindre. Tout d'abord, il se révolta et voulut avancer quand même, mais elle lui parla doucement, le flatta, l'embrassa sur le nez. Alors il abaissa ses longues oreilles avec une satisfaction manifeste et voulut bien se tenir tranquille. N'ayant plus à s'occuper de lui, elle put s'amuser à regarder ce qui se passait autour d'elle. Le va-et-vient des bateaux mouches et des remorqueurs sur la rivière, le déchargement des péniches au moyen des grues tournantes qui allongeaient leurs grands bras de fer au-dessus d'elles et prenaient, comme à la main, leur cargaison pour la verser dans des wagons quand c'était des pierres, du sable ou du charbon, ou les aligner le long du quai quand c'était des barriques. Le mouvement des trains sur le pont du chemin de fer de Ceinture, dont les arches barraient la vue de Paris qu'on devinait dans une brume noire plutôt qu'on ne le voyait. Enfin, près d'elle, sous ses yeux, le travail des employés de l'octroi, qui passaient de longues lances à travers les voitures de paille ou escaladaient les fûts chargés sur les haquets, les perçaient d'un fort coup de forêt, recueillaient dans une petite tasse d'argent le vin qui en jaillissait, en dégustaient quelques gouttes qu'ils crachaient aussitôt. Comme tout cela était curieux, nouveau, elle s'y intéressait si bien que le temps passait sans qu'elle en eût conscience. Déjà, un gamin d'une douzaine d'années qui avait tout l'air d'un clown et appartenait sûrement à une caravane de forains dont les roulottes avaient pris la queue, tournait autour d'elle depuis 10 longues minutes sans qu'elle eût fait attention à lui lorsqu'il se décida à l'interpeller. « V'là un bel âne !» Elle ne dit rien. « Est-ce que c'est un âne de notre pays ? Ça m'étonnerait joliment. » Elle l'avait regardé et voyant qu'après tout il avait l'air bon garçon, elle voulut bien répondre. « Il vient de Grèce. » De Grèce ? C'est pour cela qu'il s'appelle Palicard. Ah, c'est pour cela ? Mais malgré son sourire entendu, il n'était pas du tout certain qu'il eût très bien compris pourquoi un âne qui venait de Grèce pouvait s'appeler Palicard. C'est loin la Grèce ? Demanda-t-il. Très loin. Plus loin que la Chine ? Non, mais loin, loin. Alors, vous venez de la Grèce ? De plus loin encore. De la Chine ? Non. « C'est Palicard qui vient de la Grèce. »« Est-ce que vous allez à la fête des Invalides ?»« Non. »« Où est-ce que vous allez ?»« À Paris. »« Où est-ce que vous remiserez votre roulotte ?»« On nous a dit à Auxerre qu'il y avait des places libres sur les boulevards des fortifications. » Il se donna de fortes claques sur les cuisses en plongeant de la tête. « Les boulevards des fortifications ? Oh là là ! Il n'y a pas de place ?»« Si. »« Eh bien, pas pour vous. » « C'est voyou les fortifications. Avez-vous des hommes dans votre roulotte ? Des hommes solides qui n'aient pas perdu un coup de couteau ? J'entends d'en donner et d'en recevoir. Nous ne sommes que ma mère et moi, et ma mère est malade. Vous tenez à votre âne ? Bien sûr. Eh bien, demain, votre âne vous sera volé, voilà pour commencer. Et vous verrez le reste. Et ça ne sera pas beau, c'est Gradoupe qui vous le dit. C'est vrai, cela ? Pardi, si c'est vrai. Vous n'êtes jamais venu à Paris ? « Jamais. Ça se voit. C'est donc des moules, ceux d'Auxerre, qui vous ont dit que vous pouviez remiser là. Pourquoi que vous n'allez pas chez Grain de Sel ?»« Je ne connais pas Grain de Sel. C'est le propriétaire du champ Guillot, quoi. C'est clos de palissade fermée la nuit. Vous n'auriez rien à craindre. On sait que Grain de Sel aurait vite fichu un coup de fusil à ceux qui voudraient entrer la nuit. C'est cher ? L'hiver, oui, quand tout le monde rapplique à Paris. Mais en ce moment, je suis sûr qu'il ne vous ferait pas payer plus de 40 sous la semaine. » Et votre âne trouverait sa nourriture dans le clos, surtout s'il aime les chardons. Ah, je crois bien qu'il les aime. Ben, il sera son affaire. Et puis Grain de Sel, c'est pas un mauvais homme. C'est son nom, Grain de Sel ? On l'appelle comme ça parce qu'il a toujours soif. C'est un ancien biffin qui a gagné gros dans le chiffon. qu'il n'a quitté que quand il s'est fait écraser un bras, parce qu'un seul bras, c'est pas commode pour courir les poubelles. Alors il s'est mis à louer son terrain, l'hiver, pour remiser les roulottes, l'été, à qui il trouve. Avec ça, il a d'autres commerces, il vend des petits chiens de lait. C'est loin d'ici, le champ Guillot ? Non, à Charonne. Mais je parie que vous ne connaissez seulement pas Charonne. Je ne suis jamais venu à Paris. Eh bien, c'est là. Il étendit le bras devant lui, dans la direction du nord. Une fois que vous avez passé la barrière, vous tournez tout de suite à droite et vous suivez le boulevard le long des fortifications pendant une petite demi-heure. Quand vous avez traversé le cours de Vincennes, qui est une large avenue, vous prenez sur la gauche et vous demandez « Tout le monde connaît le champ Guillot ?»« Je vous remercie, je vais en parler à maman. Et même, si vous vouliez rester auprès de Palicard 2 minutes, je lui en parlerai tout de suite. » Je veux bien, je vais lui demander de m'apprendre le grec. Empêchez-le, je vous prie, de prendre du foin. » Perrine entra dans la voiture et répéta à sa mère ce que le jeune clown venait de lui dire. S'il en est ainsi, il n'y a pas à hésiter. Il faut aller à Charonne. Mais trouveras-tu ton chemin ? Pense que nous serons dans Paris. Il paraît que c'est très facile. Au moment de sortir, elle revint près de sa mère et se pencha vers elle. Il y a plusieurs voitures qui ont des bâches. On lit dessus « Usine de Maraucourt » et au-dessous le nom « Vulfran pain d'avoine ». Et sur les toiles qui couvrent les pièces de vin alignées le long du quai, on lit aussi la même inscription. Cela n'a rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est de voir ces noms si souvent répétés.